La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, où est Albert Einstein ? Chères auditrices, chers auditeurs, je suis ravi, heureux de vous retrouver après ces longues vacances. Pour la reprise, nous allons parler d'Einstein, de sa vie, de son œuvre et de son halo symbolique. Einstein est une figure monumentale, un monolithe écrasant, une mythologie gelée à lui tout seul. À cette sorte d'intellectuel total, qui fut également un héros populaire, on a consacré plus de 2000 livres, des millions d'articles, des centaines de documentaires. On l'a tant photographié que son visage est aussi connu que la face de la Lune. On l'a également statufié, décortiqué, ardemment catalogué, et en l'an 2000, c'est lui que parmi une liste impressionnante de grandes figures, les lecteurs du magazine Time ont choisi pour symboliser l'homme du XXe siècle. Avec certains êtres, le temps posthume se transmute en temps vivant, subtil, nourricier. Nous sommes donc loin d'en avoir fini avec le père de la relativité. Pour discuter de ce spectre qui continue de se promener, de nous surplomber, d'errer ici ou là, j'ai invité Didier Van Kovelaert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, cinéaste. Vous avez obtenu le prix Goncourt en 1994 pour Un aller simple. Et vous venez de publier J'ai perdu Albert. Alors, je sens que vous connaissez très bien Albert Einstein depuis longtemps. Einstein a beaucoup utilisé pour faire ses découvertes des expériences de pensée, c'est-à-dire il essayait d'imaginer des situations, il postulait qu'une loi physique était vraie, puis il regardait dans ce que donnaient ces lois, ce qu'elles impliquaient dans les situations qu'il avait imaginées. Et vous qui êtes romancier, est-ce que vous considérez qu'un roman c'est une forme d'expérience de pensée ? On invente des personnages, oui. On les fait vivre dans un milieu bien plus sûr. Ou moins réaliste. Et on crée surtout une perturbation, un accident, et on voit toutes les conséquences logiques, y compris lorsque cet accident est surnaturel. Et ce qui m'intéresse, c'est les conséquences logiques. Et c'est là où je me suis découvert très proche de ce fonctionnement d'Einstein. Je ne suis pas du tout un scientifique de formation. Je m'intéresse évidemment aux aventures de la pensée, donc à la science, quand elle est conçue comme la concevait Einstein, c'est-à-dire comme avant tout un acte d'imagination, et non pas de tâtonnement laborieux à partir des travaux des autres. Les fulgurances d'Einstein, Dieu sait si on lui a reproché dès ses études, ses professeurs lui disaient « vous ferez jamais rien en physique » parce que il avait souvent la solution à voir avant. Et il devait après faire les calculs de démonstration. Ou alors il avait donc, souvent d'autres façons de trouver la solution que celle proposée voilà, par le professeur. Que des classiques. Donc, et c'est vrai qu'un romancier, quelqu'un qui met son imagination au service d'autres conséquences de la réalité à partir d'une perturbation, c'est vrai que lorsque j'ai découvert qu'Einstein fonctionnait comme ça, je me suis senti proche de lui. Et puis le personnage m'a touché, en tout cas proche de ce fonctionnement-là. Le personnage m'a touché aussi bien par son génie que par ses travers, ses limites, qui étaient une manière en même temps d'humaniser ce personnage. Vous disiez intellectuel total, oui mais non, parce que son côté humain, son côté amoureux, son côté artiste, son rapport à la musique par exemple, son rapport à la voile aussi, son rapport aux femmes, était vraiment quelque chose qui, je pense, était une composante essentielle de sa manière de penser la science, d'être en avance. Et notamment, il a peut-être inventé ce concept de pensée physique, c'est-à-dire tout son corps était dans l'acte de création intellectuelle. Pour ça qu'il avait besoin de jouer du violon, de barrer son voilier. Ou de mettre en scène son corps dans les expériences de pensée qu'il a imaginées. Voilà. Qu'est-ce qui se passerait si je tombais en chute libre ? Exactement, il se mettait en scène, non pas uniquement dans ce virtuel né du cerveau, mais dans toutes les conséquences du corps. Je pense que c'est les premières choses qui m'ont touché, et puis aussi toutes les persécutions qu'il a subies, toute l'incompréhension qu'il a suscitée. En parallèle à cette gloire assez rapide, universelle, teintée de tant d'incompréhension. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois, Didier Van Kovelaert, où vous avez entendu parler d'Einstein ? Je pense que c'était au début, c'est le synonyme justement du savant original, à la fois hirsute, débraillé, génial, qui tire la langue dans cette fameuse photo de son 72e anniversaire. Et puis, et voilà, cette formule égale MC2, donc ça ce sont des... C'est dans l'enfance où voilà ce personnage commençait à exister. Mais j'ai vraiment fait connaissance avec lui, si je puis dire, quand j'ai écrit mon roman La femme de nos vies, où ça se passait au moment de la physique nucléaire allemande, quand Hitler arrive au pouvoir, et j'avais besoin d'Einstein, évidemment, dans cette histoire, et donc j'ai fait connaissance avec le personnage, et tout de suite, toutes ces zones d'ombre m'ont paru aussi intéressantes que celles qui étaient sous les projecteurs. Vous parliez de ces femmes, de sa relation aux femmes, est-ce que vous la trouvez très particulière ? Alors d'abord, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que, à ma connaissance, jamais une femme n'a dit du mal de lui. Mileva, il a laissé... un peu... Ah non, mais pourtant Mileva, la mère de ses enfants, aurait eu de quoi, aurait eu des motifs. Il a notamment fait cette chose assez incroyable, c'est le règlement intérieur de la vie conjugale, lorsqu'il a... Il voulait divorcer parce qu'il était tombé amoureux de sa cousine Elsa, donc sa double cousine par son père et par sa mère. Et donc Mileva ne voulait pas, et là il l'a poussé au dégoût de lui-même, et il n'y est pas arrivé. C'est-à-dire il a fait ce règlement intérieur, disant dorénavant tout, nous n'aurons plus aucune vie sentimentale ensemble, uniquement lorsque la nécessité de la représentation sociale, et sinon mes repas me seront servis dans mon bureau à telle heure et tout ça. Donc il fait vraiment par article un règlement intérieur absolument ignoble quand on le prend au premier degré, mais il faut se souvenir qu'il a vraiment essayé de la dégoûter de lui-même, et il n'y est pas arrivé. Alors ensuite, le romancier que je suis s'est engouffré dans cette brèche, et j'ai imaginé dans J'ai perdu Albert cette histoire d'amour brève sur le paquebot Westmoreland en 1933 qui emmène Einstein aux États-Unis, et une femme de chambre dont la présence dans ce moment de déchirement, d'arrachement, de dépression très forte pour des tas de raisons, et tout à coup, voilà, il y a ce moment de parenthèse, de charme avec cette dans l'intimité de sa chambre, et puis ensuite, eh bien, cette femme de chambre sera enceinte et dira que le père, c'est Einstein. Et dans la famille, bien sûr, bah, quand on est fille-mère à l'époque, bien sûr, il valait mieux dire c'est un prix Nobel plutôt qu'un bagagiste, ce qui était plus vraisemblablement. Je pense que c'est ce qui était arrivé à Mileva quand elle était enceinte avant d'épouser Albert Einstein. Absolument, c'est pour ça que je me suis inscrit un petit peu, voilà, dans quelque chose qui avait laissé les traces dans la réalité. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était le personnage justement de l'arrière-petite-fille, c'est une gamine qui grandit avec l'idée qu'elle est. Voilà, issue d'Einstein, et cette gamine commence à avoir Einstein dans la tête à partir de 12 ans, au point qu'elle est bombardée d'informations scientifiques, d'abord, d'informations, de demandes précises, et que ce fantôme intérieur va petit à petit complètement l'inciter à calquer son destin sur le sien, mais... Voilà, ça marche pas sur le plan scientifique. Elle est jetée à la faculté parce que, comme Einstein à l'époque, elle est jugée complètement pas du tout dans les normes, pas du tout dans la... et c'est ainsi qu'elle va devenir médium pour utiliser ces informations issues d'Einstein. Et en fait, que semble vouloir la conscience posthume d'Einstein ? Eh bien, c'est continuer ce qu'il n'a pas eu le temps de terminer, ce qui l'obsédait de son vivant, c'est-à-dire arrêter toutes les guerres, créer un gouvernement mondial, rendre aux êtres humains leur autonomie, la force de leur rêve, de leur indépendance, de leur originalité. Et puis, ça, on en reparlera, l'un des derniers combats, et contrairement aux gens qui contestent ça, j'ai la preuve que c'était réel, dernier combat d'Einstein, qui était par rapport aux abeilles, et la disparition déjà programmer des abeilles à cause du DDT après la Deuxième Guerre mondiale, et ses rapports avec le Carl von Frisch, le grand spécialiste des abeilles. Oui, peut-être vous pouvez citer cette fameuse phrase dont on dit qu'il ne l'a jamais dite, mais vous dites qu'au contraire, voilà, vous avez la preuve qu'il a été... La fameuse phrase, c'est « Le jour où l'abeille disparaîtra, l'homme n'aura plus que 4 années à vivre ». cette phrase part du constat que 80% des fruits et légumes sont pollinisés par les abeilles. Et donc, à ce moment-là, réaction en chaîne si tout à coup il n'y a plus d'abeilles. Et on voit, et on a vu malheureusement dans des régions en Chine où l'abeille a complètement disparu à cause des pesticides à dose massive, on a vu les résultats catastrophiques sur l'écosystème. Et puis des êtres humains chargés de jouer le rôle des abeilles, c'est-à-dire dans des montants dans les arbres avec des cotons-tiges et essayant de polliniser avec un rendement absolument dérisoire, une posture ridicule et un échec total. La disparition de l'abeille, en effet, serait une catastrophe majeure. Et c'est Carl von Frisch, le prix Nobel de médecine 1973, qui, en 1949, vient faire conférence aux États-Unis, à Princeton, rencontre Einstein, et tout à coup, Einstein découvre l'intelligence des abeilles, leur rapport au temps, assez extraordinaire. Et Carl von Frisch, donc, alimente tout à coup cette réflexion d'Einstein et sa vie sur l'espace-temps. Qu'est-ce que c'est le présent? Je vous donne juste un exemple de ce qu'a découvert Carl von Frisch et qui a été prouvé par la suite. À l'époque, personne ne croyait à ces théories, comme souvent Einstein déclenchait le scepticisme. Les abeilles ouvrières exercent tous les différents métiers de la ruche pendant leurs 5 semaines de vie à peu près. Et le dernier métier qu'elles font, c'est exploratrice, c'est-à-dire elles ne butinent pas, mais elles font tout le tour de du périmètre, à peu près 3-4 kilomètres autour de la ruche, pour voir ce qui est les butins intéressants, les nouvelles fleurs. Et elles reviennent et elles expliquent aux butineuses dans la ruche, par une danse sur un cadre vertical, là où il faut aller. Elles indiquent à la fois la direction et la distance, autour d'un axe figurant le soleil. Et ce qui est extraordinaire, c'est que parfois, lorsque elle donne une direction, que les abeilles qui ont toute une carte mentale de la région, de ces 3-4 kilomètres très précises, les abeilles n'y croient pas. Par exemple, Carl von Frisch avait placé un jour des fleurs, un pot de fleurs, sur une barque au milieu d'un lac. Et là, évidemment, les autres abeilles ne croyaient pas l'exploratrice, parce qu'elles savent qu'au milieu d'un lac, il n'y a pas de fleurs. Ensuite, quand il avait rapproché la barque de l'eau, elle avait cru. Mais donc, parfois, l'abeille exploratrice danse pendant des heures et le soleil, évidemment, n'est plus à la même position. Et c'est là que Carl von Frisch a découvert cette chose extraordinaire, c'est que l'abeille corrige. On ne sait comment. C'est-à-dire qu'elle change. Elle a une partie de son cerveau qui connaît le déplacement du soleil. Elle corrige la trajectoire de manière à ce que, lorsque son indication sera jugée bonne par les butineuses, elles iront à l'endroit indiqué, compte tenu de cette nouvelle position du soleil. Alors évidemment, ce genre de choses, quand Einstein est tellement dans son sa conception justement de tous les paradoxes de l'espace-temps, qu'évidemment il est sensibilisé sur les abeilles et il va s'y intéresser. Alors tout ça, je le sais par... j'ai eu la chance d'être ami avec le grand éthologue biologiste Rémi Chauvin, qui était lui-même grand ami de Carl von Frisch et qui m'a fait lire leur correspondance où en effet figure cette phrase sur les abeilles. Einstein n'est pas le premier à l'avoir dite. Déjà Darwin et Maeterlinck, un spécialiste des abeilles aussi, l'avaient dite, mais c'est pas parce que d'autres l'ont dit cette phrase qu'Einstein n'avait pas le droit de la reprendre à son compte. Avant d'émigrer aux États-Unis, Einstein avait déjà fait un voyage en Californie à Santa Barbara en 1933, et nous allons écouter une chanson de Barbara que vous avez choisie. J'ai le souvenir d'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, une longue nuit de silence. Moi qui ne me souviens jamais d'un pensée qui m'importune, c'est drôle, j'ai gardé le secret de cette longue nuit sans lune. J'ai souvenir d'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, une longue nuit de silence. Soudain, je me me suis éveillée, il y avait une présence. Soudain, je me suis éveillée dans une demi-somnolence. C'était au dehors, on parlait à voix basse, comme un murmure, comme un sanglot étouffé. Au dehors, j'en étais sûre. J'ai souvenir qu'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, froide et lourde de silence, j'allais à demi éveillée, longeant une allée obscure. J'allais à demi éveillée, guidée par l'étrange murmure. Il y eut, je me le rappelle, surgissant de l'allée obscure, il y eut un bruissement d'ailes là, tout contre ma figure. C'était au cœur de la nuit, c'était une forêt profonde, c'était là comme cette nuit, un bruit sourd venant d'outre-tombe. Qui es-tu pour me revenir? Quel est donc le mal qui t'enchaîne? Qui es-tu pour me revenir? Et veux-tu que vers toi je vienne? S'il le faut, j'irai encore tant et tant de nuits profondes, sans jamais revoir l'aurore, sans jamais revoir le monde. Pour qu'enfin tu puisses dormir, pour qu'enfin ton cœur se repose, que tu finisses de mourir sous tes paupières déjà closes. J'ai le souvenir d'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, froide et lourde de silence. Didier Van Cauwelaert, au cœur de la nuit de Barbara, ça parle un peu de votre roman d'une certaine façon. Oui, c'est ce que ressent tout à coup une femme face à une énergie, à une demande, à une sensibilité qui a besoin d'elle, qui lui parle, qui lui demande quelque chose dans la vie présente, issue d'une autre mémoire, d'une autre conscience disparue. Et voilà, J'ai perdu Albert raconte comment mettre au présent la pensée, le désir, les frustrations, les combats et l'humour d'Einstein à travers Chloé, et puis toute cette sensibilité, ce rapport aux femmes, voilà, qui m'intéressait de montrer. Et c'est vrai que j'avais vraiment besoin de faire entendre de manière un peu nouvelle la voix d'Einstein aujourd'hui, les résonances dans notre esprit, dans notre cœur, et les résonances sociales, affectives, et scientifiques et pacifistes, et puis voilà, sauf que Chloé, cette médium, elle a été récupérée, elle en fait trop. Elle a utilisé les informations d'Einstein, y compris pour arrêter les guerres. Elle s'est laissée manipuler par l'armée. On lui demande de définir les lieux de frappe préventive. Et c'est pas parce que parfois une information est juste qu'elle va être toujours, et que l'interprétation des médiums souvent est fausse. Donc elle est en pleine surchauffe, elle se fait avoir, elle n'en peut plus. Et pour la présence, l'esprit posthume d'Einstein, c'est devenu invivable, la tête de Chloé. Et un jour, dans un snack de gare, il déménage et il passe dans le garçon de café. Sauf que ce garçon de café, il est surtout apiculteur. C'est un apiculteur en déroute, toutes ses abeilles meurent, il est au bord de l'expulsion, de la saisie, il est obligé de faire ce petit boulot de il est serveur au café du métro, l'hôtel Métropole. Alors, c'est dans son CV, on a fait croire, c'est un copain, lui a fait dire qu'il était au Métropole et pour être engagé à la gare du Midi, quoi. Il est obligé de se montrer à la hauteur de ce faux CV. Mais bon, c'est... Mais l'hôtel Métropole, c'est là que se déroulaient les congrès Solvay. Exactement. À Bruxelles, voilà, pour Einstein. Donc, et puis le fait qu'il soit apiculteur, évidemment, il va découvrir que et qu'il n'a pas la solution pour sauver ses abeilles. Peut-être qu'Einstein, en s'installant dans la tête de ce type, va avoir le moyen de passer aux choses concrètes et d'arriver à lutter contre cette disparition programmée des abeilles. Voilà, c'est important pour moi, de sous une forme de postulat surnaturel, mais dont on voit toutes les conséquences logiques à travers, bon, leur côté drôle, leur côté grave et leur côté et l'enjeu, et de raconter ça au plus grand nombre. C'est pour ça aussi que j'ai réalisé le film à partir de ce livre, et que le film sort... Qui porte le même titre. J'ai perdu Albert le 12 septembre, sort bientôt, avec une distribution qui est extraordinaire, qui est inattendue. Qui joue Einstein? Alors, Einstein, c'est Étienne Drabert, c'est un grand comédien français qui est déjà un sosie assez convaincant d'Einstein au naturel, mais avec ce qu'a réussi ma maquilleuse Lisa Schanker, qui avait fait Monsieur et Madame Adelman, par exemple. Voilà, les postiches et les prothèses font qu'on est vraiment devant un Einstein assez extraordinaire dans sa dimension blessée, ludique, sensuelle. Voilà. Et puis, Chloé, la jeune médium, c'est Julie Ferrier. Et l'apiculteur Zach, c'est Stéphane Plaza. Début au cinéma de Stéphane Plaza, qui est extraordinaire, en type complètement étouffé par la réalité, qui, comme il dit, mais j'ai pas les moyens de me faire squatter gratuitement par Einstein. Et ben si, il va être obligé, d'abord, comme c'est quelqu'un de très très cartésien, rien n'est pire que de vivre une situation surnaturelle en demeurant cartésien. Donc il va, le spectateur va voir venant tous les chemins par lesquels cet homme va passer. Et puis c'est intéressant de voir combien Einstein peut révéler les potentiels cachés des êtres humains, et comment c'est pas parce qu'on est tout à coup hanté par un esprit qu'on devient quelqu'un d'extraordinaire, mais on était quelqu'un d'extraordinaire que personne ne voyait, et grâce à ce petit déclic, à cette empathie du visiteur entre guillemets, eh bien le personnage va se révéler et devenir vraiment vraiment un héros. Alors justement, l'un des personnages dit: ça sert à quoi de connaître l'avenir? Réponse: à se gâcher le présent. Ah oui. Parce que trop d'informations, tout à coup, là, c'est le moment auquel vous faites allusion, c'est la patronne de son snack de gare. Il a une vision, tout à coup. Einstein lui fait voir qu'elle a une relation amoureuse avec son collègue garçon de café, et dont le frère vient de perdre son boulot. Et donc Zach dit à sa patronne: enfin, vous voulez quand même pas me virer pour engager son frère à ma place? Elle lui dit: mais jamais j'irai penser une chose pareille. Remarque. Et là, tout à coup, il y a donné l'idée à travers la vision. Donc oui, c'est se connaître l'avenir, c'est souvent se gâcher l'idée le présent. L'idée qu'on se fait du futur peut jouer directement sur le présent. Oui. Mais j'ai trouvé une phrase de Nabokov qui évoque un peu cette situation. Je vous la livre. Peut-être que si le futur existait concrètement et individuellement, sous une forme qu'un bon cerveau pût discerner, le passé offrirait moins de séduction. Ses attraits s'équilibreraient avec ceux du futur. Des personnes pourraient alors se jucher sur le pivot de la bascule pour examiner tel ou tel objet, et ce pourrait être drôle. Oui, absolument, mais c'est drôle, ce rapport avec le... Alors là, je vais vous répondre par une citation que vous connaissez, puisque c'est une citation extraite d'un de vos livres. Vous avez une définition que je trouve formidable dans le pays qu'habitait Albert Einstein, sur le présent. Je vois, qu'est-ce que le présent? Et en fait, vous dites, c'est notre présence, et elle seule, qui détermine ce que nous appelons le présent. Et ça, j'aime bien les définitions limpides comme ça. Ça, c'est einsteinien. Complètement. En relativité, c'est comme ça que les choses se passent. Bien sûr. Et puis, tout le principe de la mécanique quantique qui dit c'est notre conscience qui crée le monde. C'est le rôle de l'observateur qui est d'ailleurs l'inventeur, comme on dit chez les chercheurs de trésors. Hein, celui qui trouve un trésor, c'est l'inventeur du trésor. Donc, c'est quelqu'un, c'est notre conscience qui crée. Et alors, il y a une expérience extraordinaire que vous connaissez peut-être, effectuée par le docteur René Péoc, un Français, docteur de médecine à l'université de Nantes, et qui a été reprise à Princeton, tellement elle est extraordinaire. À partir d'une expérience de tirage aléatoire, d'un générateur aléatoire, sort des numéros 1 ou 2, comme ça. L'expérience est enregistrée par l'ordinateur, et donc le résultat, il est de 50-50 ou 49-51, vraiment conforme. Et l'expérience n'a pas eu de témoin. Donc on demande quelques mois après, et parfois un an, le protocole a été étendu sur très longtemps, on demande à des gens, à des jeunes, à des volontaires, en l'occurrence des étudiants, d'ouvrir le fichier d'expérience et en se concentrant pour qu'il y ait plus de 1 que de 2. Et gagner des places de cinéma comme ça, si ça marchait. Et là, on arrive à cette chose extraordinaire, c'est que ça marchait. C'est-à-dire qu'ils obtenaient jusqu'à 62%, ce qui est absolument énorme. Ça fait mentir totalement les lois de la statistique. Et dans un sens ou dans l'autre, et ça a été vraiment modélisé des milliers de fois, ça marche toujours. Ce qui est intéressant, c'est que le résultat de l'expérience, j'insiste, il n'y avait pas de témoin, il n'y avait pas de conscience humaine hein, qui validait. Quand il y avait un témoin, les fois où on a fait cette expérience, et que c'était 49% de oui, 51% de 1, 51% de 2, c'est impossible à modifier. En revanche, l'expérience, quand on ouvrait les fichiers et qu'on regardait les résultats de l'expérience à l'époque, ils étaient déjà ceux demandés, ceux obtenus par celui qui avait ouvert le fichier. Donc on est là sur une action à la fois au présent, l'ouverture d'un fichier d'une expérience qui s'est passée il y a plusieurs mois, et une action dans le passé, puisque... Une rétroaction. Comme vous le savez, la rétrocausalité. Il y a beaucoup de discussions là-dessus. Mais en tout cas, là, on est devant un protocole tellement simple, qui est mesurable, quantifiable et reproductible. Donc, c'est un phénomène scientifique. Donc là, on est sur ce rapport, enfin, cette chose-là qu'aurait adoré Einstein, sur la preuve de cette action directe, sur un événement qui, donc, n'est pas aussi passé et révolu qu'on pourrait le croire. Est-ce que vous adhérez à la conception qu'on appelle de l'univers bloc? C'est l'idée que l'espace-temps, finalement, c'est comme l'espace. Tous les instants et tous les événements, en fait, coexistent dans cet espace-temps, qui est une sorte de scène de théâtre généralisée. Les événements du passé, ceux du présent, ceux du futur, sont là ensemble. De même que nous sommes à Paris, et la ville de Brest existe en même temps, celle de Marseille également. C'est notre présence à Paris qui distingue Paris pour nous des autres villes. Et donc, ça voudrait dire, dans cette conception, que le futur existe déjà, dans l'avenir, si j'ose dire. Plusieurs futurs existent. À nous d'actualiser celui que nous voulons. Je trouve ça très séduisant. Il ne m'appartient pas d'adhérer ou non, de décider. Voilà, je n'ai pas de formation scientifique ni de connaissance de ce domaine. Mais simplement, je peux être séduit par quelque chose qui me semble recevable. Et je trouve cette vision d'abord tellement conforme à celle sur laquelle est construite notre culture. Je veux dire, Platon, tout ça, on est quand même sur toujours ce rôle de l'observateur, de celui qui va définir sa présence, dans un moment qui devient donc le présent. Le passé par ses souvenirs, par ses découvertes, et le futur par ses craintes ou ses espoirs ou ses expériences de pensée qui vont proposer d'autres scénarios. Et plein d'exemples, si vous voulez, me donnent envie d'adhérer à ce modèle qui d'abord fait appel à notre libre arbitre, ce qui est très important. On n'a pas vraiment, parce que dans l'univers bloc, tous les événements du futur sont déjà déterminés. Non, mais dans des univers différents. Et on choisit chaque fois, ce qui m'intéresse beaucoup dans la théorie des univers parallèles, c'est qu'à chaque moment où une décision est prise, c'est un carrefour. Et si on choisit ce carrefour-là, c'est pas pour ça que l'autre ne sera pas choisi par quelqu'un d'autre. Donc il faut mettre l'univers bloc dans un cadre d'univers parallèle. Je pense, parce que l'idée, la science dément l'expérience que je viens vous donner, fait que non, on n'est pas dans quelque chose de figé, puisqu'on peut le modifier par la pensée s'il n'a pas déjà été choisi, ce modèle, et donc fixé par la conscience humaine. Donc, je pense que le pouvoir des rêves, de l'imagination, dans le dictionnaire de l'impossible, j'ai retracé tous les moments où les écrivains ont eu... Bon, ce qu'on peut appeler une vision du futur, ça part de ces trois écrivains différents qui ont décrit le naufrage du Titanic 7 ans, 3 ans et quelques mois avant, avec des détails vraiment incroyables. Jules Verne, lorsqu'il, de la Terre à la Lune, calcule exactement le nombre de jours d'heures qu'il faudra. Frédéric Dard, San Antonio, qui écrit dans un roman... Il imagine l'enlèvement de la fille d'un romancier qui lui ressemble beaucoup et il est en train d'écrire ce manuscrit. Personne ne l'a lu lorsqu'il lui arrive dans la réalité ce qu'il avait écrit. C'est-à-dire que dans son roman, le futur ravisseur s'introduit dans une équipe de télé venue filmer le romancier et il est l'un des techniciens et il repère les lieux. Le lendemain, il vient enlever la fille et il fixe une rançon et tout. Tout ça se produit comme ça ensuite. Et jusqu'à ce détail incroyable qui est le montant de la rançon. Au centime près, c'est ce qui lui a été demandé. Or, le livre était à l'état de manuscrit enfermé dans le tiroir quand il n'y travaillait pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'étais très ami avec Frédéric Dard qui me dit, je n'ai pas la réponse. Est-ce que j'ai capté en écrivant, on a su après que le ravisseur dans la réalité hésitait entre plusieurs personnes et qu'il a choisi ce qui lui paraissait le plus simple, la fille de Frédéric Dard, hein, parce qu'il avait pu s'introduire et tout ça. Donc est-ce qu'il a capté cette idée ou est-ce que c'est ce travail, cette expérience de pensée du romancier qui va influencer la réalité? Il n'a pas la réponse, moi non plus, bien sûr, mais... Ou le hasard. La question... Oui, mais attendez, le hasard, ça devient un fourre-tout complètement irrationnel à ce niveau-là. C'est le purgatoire de la causalité. C'est une formule. Mais, si vous voulez, le grand problème, c'est que le hasard n'est qu'une explication par défaut qui est intenable. Aujourd'hui, à la fois par l'avancée de toutes ces expériences, tous ces témoignages... Et voilà, je sais, moi, il m'est arrivé, mais comme à beaucoup, beaucoup d'autres auteurs, de tout à coup, de ne pas avoir conscience qu'on est en train d'écrire quelque chose qu'on va vivre peu de temps après. Il m'est arrivé quasiment la même chose que ce qu'a vécu André Breton lorsque, à la suite d'une rencontre amoureuse explosive, il a un sentiment de déjà-vu. C'est étonnant la manière dont ça s'est passé. Et il retombe, en cherchant dans ses archives, sur un texte écrit 20 ans plus tôt, où il avait écrit exactement, et qu'il avait oublié, il avait écrit, et qu'il n'avait pas publié, il avait écrit exactement la rencontre, le style, ce qui s'était passé, sans qu'il rencontre à l'époque cette femme. Sans qu'il rencontre à cette époque-là. Pas du tout. Il a inventé une chose qui lui est arrivée dans la vie 20 ans après. Et sans qu'il en ait conscience du tout. C'est une chose que j'ai éprouvée aussi de mon côté, de manière un peu moins spectaculaire, mais c'est fascinant et c'est assez réjouissant de se poser toutes ces questions-là, parce que ça prouve une fois de plus le pouvoir de la pensée, du rêve, de l'amour, de l'anticipation, et donc de notre liberté par rapport aux événements qui nous arrivent et de cette petite supériorité que nous avons aux événements qui s'appelle le rêve. Comment est-ce que vous définiriez, Didier Van Cauwelaert, l'intelligence ou le génie d'Einstein? Qu'est-ce qui la caractérise? Je dirais la fulgurance et le tâtonnement. Fulgurance d'abord et ensuite tâtonnement pour essayer de faire une démonstration. Une forme de lenteur aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a fulgurance d'abord, et puis après cette lenteur et cette chose que je n'ai rencontrée que chez lui, enfin, ma connaissance, et cette implication du corps entier dans tout le travail intellectuel. Et puis cet homme qui tient quand même son cap à travers ce qu'il est rare de concentrer dans une seule existence, c'est-à-dire la reconnaissance universelle, la gloire, et en même temps la persécution morale, physique aussi parfois. Alors on connaît celle que les nazis évidemment ont déclenchée contre lui, mais la persécution d'Edgar Hoover a été terrible aussi psychologiquement aux États-Unis. Le McCarthyisme, tout ça a été vraiment des douleurs profondes, parce qu'on ne s'est pas attaqué qu'à lui, on s'est attaqué. Ces gens-là se sont attaqués aussi à sa secrétaire, Hélène Ducasse, même à Oppenheimer, je dirais. Et puis, quand il essayait de défendre les époux Rosenberg, et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui s'est vraiment engagé, beaucoup, qui en a pris vraiment plein la gueule, et qui a tenu ce cap affectif, idéologique sans idéologie. C'est-à-dire que, non, Einstein n'a jamais été communiste, mais oui, c'était quelqu'un que tout ce qu'on appelle l'idée sociale, l'idée d'égalité, hantait beaucoup. Il a été... cette histoire, je ne sais plus vous rappeler, si je crois que c'est en 1935, quand à Princeton, une chanteuse noire donne un concert et aucun hôtel n'accepte cette noire. Il l'invite chez lui et il le fait savoir. En plus, c'était une jolie femme, une jolie femme. Donc, Einstein n'est jamais un pur esprit. Il est aussi, il y a eu une résonance très très forte dans le fait que cet homme-là, par rapport à la manière dont les Noirs étaient traités et les femmes à cette époque, Einstein a vraiment eu, il y a eu des répercussions extraordinaires dans son engagement. Vous parlez de fulgurance. Il était opiniâtre. Vous le dites également. C'est le mélange des deux qui fait son génie. Il dit quelque part. Je travaille pas vite, mais je travaille tout le temps. Oui. Perd jamais le fil. Il perd jamais le fil, et puis, je pense qu'il travaille sur plusieurs choses à la fois. Donc, mais à un moment où la concentration change de point d'appui. Et ça, c'est très dur, que ce soit pour un scientifique ou pour un romancier. C'est très difficile de répondre à l'idée qui vous sollicite. Or, plus, là j'en parle dans mon expérience d'auteur, plus on écrit, plus de choses demandent à être écrites. J'ai toujours un peu de mal avec les gens qui se plaignent, les auteurs qui se plaignent de l'angoisse de la page blanche. Moi j'ai l'angoisse de la page noire. Je suis jamais en panne, mais ce qui vient, c'est pas bien, c'est trop compliqué, c'est trop complexe, je dois après énormément travailler la matière première, mais je réécris énormément. Mais un scientifique à court d'idées, c'est pas un très bon scientifique non plus, quoi. Il en a qu'une, mais il va jusqu'au bout. Oui, mais n'avoir qu'une idée, ça veut dire le spectre immense pour arriver à aller jusqu'au bout de cette idée-là. Vous connaissez l'anecdote. Einstein était ami avec Paul Valéry. Et un jour, Paul Valéry lui a demandé, mais monsieur Einstein, il imaginait qu'Einstein avait une idée à la minute. Il lui a demandé, mais quand vous avez une idée, vous la notez sur un papier, vous avez toujours un crayon sur vous, comment faites-vous? Et Einstein lui a répondu, mais monsieur, maître, il lui a dit, maître, une idée, c'est si rare. Oui, c'est-à-dire une idée qui est un sésame ouvre-toi, c'est-à-dire une clé qui va ouvrir le plus grand nombre de portes possibles. Et à la fin de sa vie, il a expliqué que s'il a été le premier à trouver la théorie de la relativité, c'est parce qu'il s'est posé des questions d'enfant qu'il a résolues avec un cerveau d'adulte. Et donc, il a été génial, dit-il, enfin il n'emploie pas le mot, mais à la question posée, il dit finalement, c'est mon retard mental qui a fait mon... Absolument. Son rapport à la boussole, tout ce qu'il dit sur ce cadeau que lui fait son père à 4 ans et demi. Et tout à coup, cet objet qui est sensible à quelque chose de très lointain, qui n'est pas une force présente. C'est non local. C'est non local. En apparence. Et pourtant, ça marche tout le temps, ça indique. Donc là, toutes ces découvertes plus tard, il le dira, sont venues de ce trouble, de ce questionnement et de ce... de la passion que lui donne ce phénomène et de sa volonté de l'expliquer. Donc oui, je crois, comme vous avez tout à fait raison, c'est le questionnement d'enfance qui déjà a mis en œuvre tout ça. Donc il y a une... Et puis c'est une forme de réflexion qui est indépendante du lieu, quasiment. Enfin, il suit son fil, quel que soit l'endroit où il habite. Il n'a pas l'air d'être perturbé par l'environnement, par le lieu. Non, il a besoin d'avoir des points de repère indispensables qui sont le violon et le voilier. C'est vraiment... Après la montagne. Oui, l'adolescence, c'est plutôt la montagne. Mais après, c'est le voilier, en effet. Voilà, et c'est vrai que ces expériences de pensée à bord... Alors, le voilier, le premier qu'il avait à la maison de Caput, dont j'oublie le nom, et ensuite, c'était que les nazis avaient détruit. Après, c'était le Tinef. Le Tinef qui veut dire en yiddish, vraiment... pas grand chose, quoi. C'est une espèce de rogaton, une petite coque de noix. Et voilà, il avait un lien très fort avec. Et bon, on connaît l'histoire avec Marie Curie quand il la prend à bord du voilier. Et il dit, mais il n'y a pas de gilet de sauvetage. Je dis, non, mais je ne sais pas nager. Elle lui dit, mais je vous rassure, moi non plus. Mais si on chavire, qu'est-ce qui se passe? Justement, on ne chavirera pas. Donc c'est ce principe d'imprévoyance, quoi. Le devoir d'imprévoyance, plus efficace à ses yeux, je crois, que ce qu'on appelle aujourd'hui le principe de précaution. Sans doute. Est-ce que c'est pas le moment d'écouter le second morceau de musique que vous avez choisi, Didier van Cauwelaert? Oui, dédié à Albert Einstein, pour des raisons sur lesquelles on reviendra ensuite. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'en mon âme et conscience, en détruisant tout cette tordue, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement. La Java des bombes atomiques. Alors, il y a une association qui est toujours faite, en effet, entre Einstein et la bombe atomique, mais est-ce qu'elle est aussi directe qu'on le dit? Bah non, ça a été l'un des grands malentendus qui a pesé très fort sur Einstein, sur son image. Avoir fait de lui le père de la bombe atomique, c'est une aberration. Et d'abord parce que même si ses calculs sur la libération de l'énergie égale MC2, bon, peuvent être considérés comme étant à la base tout ça, c'est pas directement ce qui a amené à la bombe atomique. Et surtout, Einstein n'était pas au courant de la construction de cette bombe atomique. Le seul rôle qu'il a joué, c'est d'écrire sur l'insistance de ses amis au président Roosevelt pour le mettre en garde contre la construction très vraisemblable de la bombe atomique par les nazis et vers Heisenberg. Il a agi comme ce qu'on appelle aujourd'hui un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, mais il n'a pas eu de réponse à son lancement d'alerte. Sa lettre à Roosevelt, où lui, en tant que grand pacifiste, se retrouve obligé de dire « Faites attention, vous allez, sous-entendu, construisez vous-même la bombe, parce que si les nazis l'ont, c'est terminé. » Donc il n'a pas de réponse à cette lettre, et il pense qu'il n'est pas écouté. En revanche, évidemment, le président Roosevelt en avait fait part au fameux J. Edgar Hoover, président du FBI pendant 50 ans, et qui avait décrété qu'Einstein était un agent soviétique. Et donc, Hoover dit, surtout, il ne faut pas mettre au courant d'Einstein. Oui, il faut fabriquer la bombe. Et c'est là qu'arrive cette situation incroyable. C'est que tous les amis physiciens d'Einstein sont convoqués, mobilisés pour à Los Alamos pour le projet Manhattan, donc la construction de la bombe atomique américaine. Et ils sont obligés, ils doivent prêter serment, de ne rien dire à Einstein. Et quand Einstein finira par apprendre, par des indiscrétions, tout ça, que cette bombe est en construction, là, il va écrire à nouveau à Roosevelt pour le supplier de ne pas utiliser cette bombe. Et là, on ne va pas l'écouter. Et il va y avoir ce choc terrible pour Einstein, qui est le largage de la bombe sur Hiroshima. Ville qu'il avait visité. Voilà. à un moment où en plus on sait très bien que ça ne sert à rien, c'est uniquement une démonstration de force destinée aux soviétiques. Et ensuite Edgar Hoover va continuer à dire, si les soviétiques sont en train de construire la bombe, c'est qu'Einstein leur a filé les tuyaux. Alors, donc, si vous voulez, ce procès d'intention complètement aberrant, qui continue aujourd'hui encore, hein, on est obligé de défendre Einstein parce que... D'autant qu'il n'a jamais vu venir la bombe atomique. Mais bien sûr. Qui a été pensée à partir du moment où la fission a été découverte en 1938 et il a fallu... que Niels Bohr, Szilard viennent voir Einstein à Princeton pour lui expliquer la réaction en chaîne. Jamais Einstein s'était intéressé. C'était pas son truc. Les interactions nucléaires ne l'ont jamais intéressé. La découverte du neutron en 1932 n'a pas suscité chez lui de commentaires, ni celle du positron. Il s'intéressait pas trop aux particules. Oui, bon. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'on lui a fait, et on continue de lui faire ce faux procès d'une injustice totale et qui a contribué, je pense à sa fin précoce. Mais je crois que c'est la couverture du magazine Time en juillet 46, un an après l'explosion, la première dans le désert du Nouveau-Mexique. On voit sur la couverture le visage d'Einstein, un nuage atomique, des bateaux qui flottent sur l'océan, et le titre c'est Einstein le cosmoclaste. Ouais, c'est le destructeur de l'ordre. Et c'est à partir de là que l'identification injuste entre Einstein et la bombe atomique commence. Je pense, et c'est ce moment, c'est en 49 qu'il rencontre Carl von Frisch, et que tout à coup c'est sa passion, pour l'intelligence des abeilles et cette qui sont arrivées il y a 140 millions d'années, bien avant l'être humain. Qui ont créé dans la ruche le modèle de la vie sociale que sans doute les hommes préhistoriques ont copié. En tout cas, on a la preuve par les gravures dans la caverne de l'araignée, notamment en Espagne, que très tôt, les hommes ont observé les abeilles, ont compris le fonctionnement de la ruche et ont... allait déjà prendre le miel, avait déjà des techniques proches de l'enfumoir qu'on a aujourd'hui pour je pense qu'il y avait un écœurement profond d'Einstein par rapport à l'être humain qui avait prouvé. Son regard a changé d'ailleurs. Voilà. Cette tristesse, on voit vraiment physiquement, voit ce moment terrible avec des moments d'humour, d'iconoclaste, oui, c'était un iconoclaste, c'était un casseur d'images, et qui a été victime lui-même d'une image fausse. Et sa rupture d'anévrisme abdominal, je veux dire, c'est dans des souffrances terribles, c'est évidemment la colère, c'est l'humiliation, c'est la révolte, c'est pas par hasard qu'on meurt de cette manière-là. Et en même temps, jusqu'à la fin, il demandait à sa secrétaire Hélène Ducasse, il demandait du papier, d'un crayon. Il écrivait des équations. À la fin. Pour une jusqu'à la fin. Ouais. C'est pour ça que, si vous voulez, c'est le point de départ de mon roman et de mon film. Quand Einstein a écrit de son vivant, je crois en une vie après la mort, parce que l'énergie ne peut pas disparaître. Elle se transforme, elle circule, elle ne s'arrête jamais. Donc je me suis dit, évidemment, la pensée de ce bonhomme ne peut pas être enfermé dans le bocal de formol dans lequel on conserve son cerveau, indûment prélevé pour essayer de comprendre l'intelligence d'Einstein. Contre son avis, c'est dégueulasse. Je veux dire, jusqu'au bout, même à titre posthume, on a continué à... On a coupé son cerveau en lamelles. Voilà, pour essayer de comprendre son génie. On a continué à donner... à faire contre son gré, à trahir la pensée de cet homme. Mais comment vous comprenez qu'Einstein n'ait jamais accepté de retourner en Europe après son départ aux États-Unis en 1933? Il n'a jamais remis les pieds en Europe, malgré toutes sortes d'invitations qui lui étaient adressées. Alors, Qu'est-ce que ça voulait signifier? Par rapport, il y a d'autres exemples de personnes qui, par rapport à, ne sont jamais retournées en Allemagne, par rapport au nazisme, qu'ils ont plus ou moins pardonné au peuple allemand. Un peuple allemand n'est pas responsable dans sa globalité, bien sûr, du nazisme. Mais là, je pense qu'il y avait autre chose de plus profond. Il avait quand même abandonné son fils, Édouard, dans son asile à Zurich, son fils schizophrène qui lui survivra longtemps. Et je pense que revenir, c'était aussi... Là, je m'avance peut-être, je ne prétends pas être dans la tête d'Einstein. J'ai emprunté Einstein pour le mettre dans la tête de mes personnages, mais voilà. Mais c'est pas la vôtre. Je ne me permettrai pas, exactement. Mais je pense que affronter le regard de son fils, qui était probablement dans cet état-là parce que c'était très dur d'être le fils d'Einstein et que leur seule communication qui marchait bien, c'était la musique. Oui, oui. Quand ils jouaient ensemble au violon ou le piano à quatre mains. Il y a une photo mais très, le reste, très, très, belle, très, très bouleversante. Mais donc, après, voilà, il l'a pas abandonné financièrement, il a toujours payé, et puis il avait donné l'argent du Nobel à sa première femme. Avant même de l'avoir. Voilà. C'était... C'est dans les actes du divorce. Complètement. Donc, encore une expérience de pensée. Ouais, ben, que... C'est peut-être parce qu'il a fait cette lettre, enfin cet accord avec sa femme qui lui a pris le Nobel. Je suis d'accord. je vous suis complètement sur convaincu. Le pouvoir de la pensée. Et donc voilà, ce refus de revenir. Mais en même temps, ce qu'on a dit avant sur cet écœurement, par exemple, dans les dernières années de sa vie, quand on lui propose d'être le président de l'État d'Israël, quand même... Et qu'il refuse, alors là, en disant « je n'ai pas vocation à exercer cette autorité, je ne suis pas légitime, je ne suis pas... » Mais voilà, je pense qu'il n'était plus dans ce monde-là et il devait pressentir que ça... Voilà, que son rôle était ailleurs. Vous êtes de nationalité belge? Non, je suis français, je suis né à Nice, mais ma famille est d'origine belge. Alors Einstein est passé plusieurs mois en Belgique, non seulement au congrès Solvay dont on a parlé à l'hôtel Métropole de Bruxelles, mais entre, je crois, mars 1933 et son départ aux États-Unis en septembre, il a résidé à Coq-sur-Mer, un petit village au bord de la mer. Oui. Et il a une correspondance... assez suivi avec la reine de Belgique. La reine Elisabeth qui était, bon, c'est une amitié profonde d'origine musicale. Au départ. Voilà, c'était, ils jouaient ensemble au violon, du piano et la reine Elisabeth l'a protégé. Il était réfugié en Belgique parce que les nazis avaient mis sa tête à prix, au sens propre, c'est-à-dire des tueurs à gages. Et brûler ses livres. Absolument. Oui, brûler ses livres, mais il voulait surtout le flinguer. Il voulait, c'était l'objectif vraiment numéro un, comme c'était la figure emblématique juive, il fallait tuer physiquement Einstein. Et donc, ils avaient commencé par débaptiser la rue qui portait son nom à Ulm, sa ville de naissance. Oui, qu'ils ont après rebaptisé. Oui, Fichterstrasse, ouais, c'était devenu après. Mmh. Et puis ils l'ont rebaptisé, mais il n'en avait rien à foutre. C'est les Américains qui... Les Américains, ont rebaptisé après, mais lui n'en avait rien à foutre. Oui, il a suggéré qu'on l'appelle la Girouette-Strasse. Oui, la rue de la Girouette, oui. Ce qui voulait dire justement que, voilà, quand on parlait de cet écœurement de la nature humaine quand même, voilà, l'homme étant une girouette, là on est sûr que, quel que soit le régime politique, une rue de la Girouette sera toujours d'actualité. Un invariant relativiste. Voilà. Et donc oui, la Belgique était le pays où il était le plus compris, le plus aimé et le mieux protégé. La reine Elisabeth a mis toute une structure à la fois policière officielle et officieuse, avec même des gens... Oui, parce qu'il ne respectait pas les horaires de sortie ou de promenade qui lui étaient indiqués. Voilà, donc il fallait vraiment le protéger et il y a des tueurs qui se sont fait flinguer par des gens de la pègre belge qui avaient été employés pour ça. Comment expliquez-vous qu'il n'y ait jamais eu de film de fiction sur Einstein? Alors, il y a eu Genius. Oui, mais c'est plutôt un documentaire. C'est quand même... C'est très respectueux, mais il y a quand même... C'était la première fois. Je pense que... En tout cas, il n'y a pas de film qui raconte toute sa vie. Alors, je peux vous dire par expérience que j'ai mis, pour réaliser ce film, j'ai quand même mis près de 10 ans. C'est-à-dire, quand je suis arrivé au début, avec ma situation, tout le monde disait « Ah, c'est formidable, c'est très drôle. Mais pourquoi Einstein ? Pour une comédie populaire, c'est rebutant, ça fait un télo. » Jusqu'au moment où il y a eu ce retour en grâce d'Einstein avec la détection des ondes gravitationnelles qu'il avait prédites 100 ans plus tôt. Sans croire qu'elles seraient possibles. Il croyait aux ondes gravitationnelles, mais pas à leur détection. Si, c'était les trous noirs qui lui posaient problème. Là, je pense que... Mais justement, celles qu'on a détectées ont été formées par la fusion de trous noirs, donc il serait embarrassé. Mais on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas que les trous noirs qui les... Oui, il y a les alpha neutrons. Qui les provoquent. Voilà, c'est le début d'une aventure fantastique, là, ce qui se passe aujourd'hui. Et qui donne quand même raison à Einstein sur... en tout cas, les conséquences, même si le concept de trou noir le gênait, mais les conséquences de ces ondes qui agitent l'espace-temps, là, comme du veau en gelée, c'est quand même quelque chose qui a parlé à tout le monde, qui modifie notre vision, bien sûr, de l'espace-temps. Et voilà, grâce à cela, j'ai pu tout à coup... Et puis les jeunes, les mômes, se sont emparés d'Einstein. Alors là, d'un coup, merci les réseaux sociaux, merci les blogs et tout, qui font que ce personnage est devenu, et je le vois, je l'ai vu pendant le tournage du film, surtout incarner la pensée d'Einstein aujourd'hui par Stéphane Plaza, qui est quelqu'un d'immensément populaire auprès des jeunes. Il s'est passé une osmose très étrange. Et Einstein fait rire les mômes. Il le respecte par une intelligence extraordinaire qu'ils comprennent et par son côté anticonformiste, par ses provocations, par son côté marrant, un marrant génial, quoi. Et... On a quelques enregistrements de la voix d'Einstein. Est-ce que ça vous a servi? Oui, absolument. L'acteur parle comme Einstein? Je fais entendre parce que la voix d'Einstein, bon, il y a bien sûr cet accent qui est, je dirais, helvético-yiddish. Oui, son anglais. Qui est et puis, ah oui, il n'a jamais fait aucun effort, comme quand il parlait français d'ailleurs. Hein, il parlait très, très bien. MC Square. Voilà, MC Square and the writing people has to know that the relativity is... Donc, il y a beaucoup de douceur dans sa voix. Et c'est cette douceur... C'est jamais énervé. Que j'ai, voilà, c'est cette douceur que j'ai demandé... à l'acteur qui joue Einstein, et ensuite à Julie Ferrier, à Stéphane Plaza, quand ils sont, quand le spectateur les sent en communication avec Einstein, d'avoir ces inflexions-là, y compris dans les moments, l'énervement chez Einstein, il y a des moments où c'est toujours maîtrisé, et il y a eu quand même des moments des déclarations radio au moment du largage de la bombe, où là, il est pas paisible, mais il y a quand même... Il y a une densité nouvelle dans sa douceur et une indignation martelée, quoi. Quelque chose qui est... Voilà, donc oui, si, bien sûr, je me suis servi de ce matériel sonore, c'est extraordinaire. Mais vous qui êtes écrivain, que pensez-vous du fait qu'Einstein n'aimait pas le langage? Il dit quelque part, les mots et le langage, écrit ou parlé, ne semblent pas jouer le moindre rôle dans le mécanisme de ma pensée. Les entités psychiques qui servent d'éléments à la pensée sont pour moi certains signes, ou bien des images plus ou moins claires qui peuvent à volonté être reproduites ou combinées. Les éléments que je viens de mentionner sont, dans mon cas, de type visuel. Ce n'est pas une condamnation du langage, c'est une conception du langage à partir d'images, à partir de choses qu'on essaie de domestiquer avec une matière première qui est le vocabulaire, la syntaxe, et qui demande à être énormément travaillée pour être fidèle. Aux images de l'inspiration. On a l'impression qu'il voit des choses qu'on ne voit pas, qui sont très difficiles à dire par des mots. Voilà, mais c'est pas qu'il aime pas le langage, c'est que je pense que pour lui c'est plus difficile à manier que les concepts visuels, et cela dit, quand il écrit, on sent que, par exemple, il y a tout son courrier aux enfants, il a beaucoup écrit aux enfants. Et il répond aux lettres des enfants. Voilà, et c'est extraordinaire, il y a un volume que j'ai lu récemment qui est extraordinaire, parce qu'il se donne du mal, à la fois pour préciser sa pensée, pour être compris par les enfants. Donc c'est un vrai artisan du langage et on sent que ça demande du boulot, que ça n'est pas naturel. Mais de toute façon, vous savez, pour arriver... Moi, je me donne énormément de mal pour être le plus simple possible. Il a écrit énormément de lettres, parfois très longues. On se demande parfois comment tout ce parfois temps... Parfois 20 lettres par jour, ça a pu être établi. Et il écrivait lentement, et il écrivait beaucoup, donc... Non, il y a un fonctionnement qui m'épate toujours chez lui dans tous les aspects de sa personnalité. Merci Didier Van Kovelaert d'avoir si bien illustré la présence d'Einstein. Merci. Qui était un démenti de son anagramme, inertiel absent. Il n'est pas inerte et il n'est pas absent. Non, et je pense qu'il va être de plus en plus présent. Si je peux modestement contribuer avec mon film, avec J'ai perdu Albert, comme je l'ai fait déjà avec le roman, à le rendre si familier et un peu plus compréhensible, et tout en respectant ses zones de mystère et de charme à travers ses travers aussi et ses immenses qualités, je pense que l'humanité a besoin de lui, peut-être plus que jamais, et qu'on n'en a pas fini avec Einstein, et merci à lui de nous inspirer autant. Merci à vous, c'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, la technique Delphine Baudet, et à la réalisation François Connac.